Humain trop humain. Humain trop humain, avec ses deux continuations, est le monument commémoratif d'une crise. Je l'ai intitulé un livre pour les esprits libres, et presque chacune de ses phrases exprime une victoire. En l'écrivant, je me suis débarrassé de tout ce qu'il y avait en moi d'étranger à ma vraie nature. Tout idéalisme m'est étranger. Le titre de mon livre veut dire ceci. Là où vous voyez des choses idéales, moi je vois des choses humaines, hélas trop humaines. Je connais mieux l'homme. Un esprit libre ne signifie pas autre chose qu'un esprit affranchi, un esprit qui a repris possession de lui-même. Le ton, l'allure apparaissent complètement changés. On trouvera ce livre sage, posé, parfois dur et ironique. On dira qu'un certain intellectualisme au goût aristocratique s'efforce constamment de dominer un courant de passion qui gronde par en dessous. À cet égard, il est dans l'ordre que ce soit le centenaire de la mort de Voltaire précisément qui serve, en quelque sorte, d'excuse à une publication de ce genre en 1878 déjà. Car Voltaire est, par contraste avec tout ce qui écrivit après lui, avant tout un grand seigneur de l'esprit, ce que je suis moi aussi. Le nom de Voltaire sur un écrit de moi, c'est là en réalité un progrès vers moi-même. Si l'on regarde de plus près, on découvre un esprit impitoyable qui connaît tous les recoins où s'abrite l'idéal, où se trouvent ses oubliettes et son dernier refuge. Armé d'une torche, mais dont la flamme ne tremble pas, il projette une lumière crue dans ce monde souterrain de l'idéal. C'est la guerre. Mais la guerre sans poudre ni fumée, sans attitude guerrière, sans gestes pathétiques ni contorsions. Car tout cela serait de l'idéalisme. Tranquillement, une erreur après l'autre est posée sur la glace. L'idéal n'est pas réfuté, il est congelé. Ici, par exemple, c'est le génie qui gèle. Tournez le coin et vous verrez geler le sein. Sous une épaisse chandelle de glace gèle le héros. Pour finir, c'est la foi, ce qu'on appelle la conviction, qui gèle. La pitié aussi se réfrigère considérablement. Presque partout gèle la chose en soi. L'origine de ce livre remonte à l'époque des premières représentations solennelles de Bayreuth. Le sentiment que tout ce qui m'entourait là-bas m'était foncièrement étranger est une des conditions préalables de sa naissance. Celui qui se fait une idée des visions qui, à ce moment-là déjà, avaient surgi sur mon chemin, devinera sans peine ce que je ressentis quand un beau jour je me réveillai à Bayreuth. Il me semblait rêver. Où donc étais-je? Je ne reconnaissais rien. C'est à peine si je reconnaissais Wagner. En vain, je feuilletais mes souvenirs. Tripschen, une lointaine île bienheureuse. Pas l'ombre d'une ressemblance. Les jours incomparables, lors de la pose de la première pierre fêtée par un petit groupe d'initiés qui se trouvaient là à leur place et à qui point n'était besoin de souhaiter le doigté délicat pour les choses subtiles. Pas l'ombre d'une ressemblance. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait traduit Wagner en allemand. Le wagnérien s'était rendu maître de Wagner. L'art allemand, le maître allemand, la bière allemande. Nous autres, qui ne savons que trop bien à quels artistes raffinés, à quel cosmopolitisme du goût l'art de Wagner s'adresse seulement, nous étions hors de nous de trouver Wagner habillé de vertus allemandes. J'ai la prétention de connaître le wagnérien. J'en ai vécu trois générations depuis feu Brendel, qui confondait Wagner avec Hegel, jusqu'aux idéalistes du journal de Bayreuth, qui confondent Wagner avec eux-mêmes. J'ai entendu toutes sortes de confessions de belles âmes sur Wagner. Un royaume pour un mot sensé. La prodigieuse société, en vérité. Noll, Paul et autres drôles de cet acabit jusqu'à l'infini. Toutes les difformités s'y coudoient, aucune n'y manque, même l'antisémite. Le pauvre Wagner. Où s'était-il fourvoyé? Si du moins il était allé parmi les pourceaux, mais parmi les Allemands. On devrait bien une fois, pour l'édification de la postérité, empailler un bayreuthien authentique, ou mieux encore le mettre dans l'esprit de vin, car c'est l'esprit qui manque ici, avec l'inscription suivante « Spécimen de l'esprit en vue de qui fut fondé l'Empire allemand ». Bref. Au milieu des réjouissances, je partis tout à coup pour quelques semaines. Je partis soudain, bien qu'une charmante parisienne eût cherché à me consoler. Auprès de Wagner, je m'excusais seulement par un télégramme fataliste. Dans un coin perdu du Böhmerwald, Klingenbrunn, j'allais porter, comme une maladie, ma mélancolie et mon mépris de l'allemand. Et de temps en temps, je notais, sous le titre général de « Le soc de la charrue », quelques phrases dans mon carnet, de mordantes remarques de psychologie qu'on retrouverait peut-être encore dans « Humain trop humain ». Ce qui se décida à ce moment, ce ne fut pas ma rupture avec Wagner. Je pris conscience d'une aberration générale de mes instincts, dont mes erreurs de détail, qu'elles eussent nom Wagner ou professorat de Bâle, n'étaient que des symptômes particuliers. Je fus pris d'une véritable impatience contre moi-même. Je vis qu'il était grand temps de songer à redevenir moi-même. Soudain, je m'aperçus, avec une inexorable clarté, combien de temps j'avais déjà gaspillé, combien toute mon existence de philologue se révélait stérile et fortuite en regard de ma véritable mission. J'eus honte de cette modestie mensongère. J'avais derrière moi 10 années de ma vie, 10 années où l'alimentation de l'esprit avait été, à proprement parler, suspendue chez moi, où je n'avais rien appris d'utile, où j'avais oublié énormément de choses, absorbé comme je l'étais avec un bric-à-brac d'érudition poussiéreuse. Cheminé à pas de tortue parmi les maîtriciens grecs, avec minutie et de mauvais yeux, voilà où j'en étais venu. Je me voyais avec pitié tout maigre et décharné. Les réalités faisaient absolument défaut dans ma provision de science, et les idéalités ne valaient pas le diable. Une soif véritablement brûlante me saisit depuis ce moment. Je n'ai plus rien fait que de la physiologie, de la médecine et des sciences naturelles. Je ne suis même retourné aux études proprement historiques qu'autant que ma tâche m'y contraignait impérieusement. C'est alors que je devinai aussi pour la première fois la corrélation qui existe entre cette activité choisie contrairement à l'instinct naturel, entre ce qu'on appelle une vocation, encore que rien ne vous y appelle, et ce besoin d'assoupir le sentiment de vide et d'inanition du cœur à l'aide d'un art qui sert de narcotique, de l'art wagnérien par exemple. Un regard jeté avec précaution autour de moi m'a fait découvrir qu'une foule de jeunes hommes souffrent du même mal. Une violence faite à la nature en entraîne forcément une seconde. En Allemagne, dans l'Empire allemand, pour éviter toute méprise possible, il n'y a que trop de jeunes gens qui sont condamnés à prendre une décision prématurée, puis à mourir lentement de consomption, écrasés sous le poids d'un fardeau qu'ils ne peuvent plus rejeter. Ceux-là réclament Wagner en guise de narcotique. Ils s'oublient. Ils se débarrassent d'eux-mêmes pendant un instant. Que dis-je ? Pendant 5 à 6 heures. À ce moment-là, mon instinct s'est décidé implacablement contre l'habitude que j'avais prise de céder, de suivre, de me tromper sur moi-même. N'importe quel genre de vie, les conditions les plus défavorables, la maladie, la pauvreté, tout cela me semblait préférable à ce désintéressement indigne où j'étais tombé d'abord par ignorance, par excès de jeunesse, où je m'étais accroché ensuite par indolence, par je ne sais quel sentiment du devoir. C'est alors que me vint en aide, d'une façon que je ne saurais assez admirer, et précisément au bon moment, ce mauvais héritage que je tiens de mon père et qui est en somme une prédisposition à mourir jeune. La maladie me dégagea lentement de mon milieu. Elle m'épargna toute rupture, toute démarche violente et scabreuse. À ce moment, je n'ai perdu aucun des témoignages de bienveillance dont on m'entourait. J'en ai même gagné de nouveaux. La maladie me conféra en outre le droit de changer complètement toutes mes habitudes. Elle me permit, elle m'ordonna de me livrer à l'oubli. Elle me fit hommage de l'obligation de demeurer couché, de rester oisif, d'attendre, de prendre patience. Mais c'est là précisément ce qui s'appelle penser. Mes yeux seuls suffirent à mettre fin à toute préoccupation livresque, à toute philologie. Je fus délivré des livres. Pendant des années, je ne lus plus rien et ce fut le plus grand bienfait que je me sois jamais accordé. Ce moi intérieur, ce moi en quelque sorte enfoui et rendu silencieux, à force d'entendre sans cesse un autre moi, et lire n'est pas autre chose, ce moi s'éveilla lentement, timidement, avec hésitation. Mais il finit enfin par parler de nouveau. Jamais je n'ai eu autant de bonheur à regarder en moi-même que durant les périodes les plus malades et les plus douloureuses de ma vie. Il suffit de lire Aurore, ou par exemple Le Voyageur et son ombre, pour comprendre ce qu'était ce retour à moi-même, une forme supérieure de la guérison. L'autre guérison ne fit que sortir de celle-ci. Humain trop humain, ce monument d'une rigoureuse discipline de soi, par laquelle je mis brusquement fin à tout ce qui s'était infiltré en moi de délire sacré d'idéalisme, de beaux sentiments et d'autres féminités, Humain trop humain fut rédigé pour l'essentiel à Sorrente. Il reçut sa conclusion et sa forme définitive pendant un hiver passé à Bâle, dans des conditions bien plus défavorables qu'à Sorrente. Au fond, c'est M. Peter Gast, lequel faisait alors ses études à l'université de Bâle et m'était très dévoué, qui a ce livre sur la conscience. Je dictais, la tête douloureuse et emmaillotée de compresses. Il transcrivait, il corrigeait aussi. Il fut, en réalité, le véritable écrivain, tandis que moi je n'étais que l'auteur. Quand enfin le volume achevé fut entre mes mains, au profond étonnement du malade que j'étais, j'en envoyai aussi deux exemplaires à Bayreuth. Par un trait d'esprit miraculeux du hasard, je reçus à ce même moment un bel exemplaire du livret de Parsifal avec cette dédicace de Wagner « À mon cher ami Friedrich Nietzsche, avec ses vœux et souhaits les plus cordiaux, Richard Wagner, conseiller ecclésiastique. » Les deux livres s'étaient croisés. Il me sembla entendre comme un bruit fatidique. N'était-ce pas comme le cliquetis de deux épées qui se croisent? Vers la même époque parurent les premiers numéros des feuilles de Bayreuth. Je compris alors de quoi il était grand temps. Ô prodige ! Wagner était devenu pieux. Comment je pensais alors à mon sujet, 1876, avec quelle prodigieuse certitude je tenais en main ma tâche et ce qu'elle a d'universel ? Le livre tout entier en témoigne, et particulièrement un passage très significatif. Pourtant, avec l'instinctive astuce qui m'est coutumière, je pris soin d'y éviter de nouveau le mot « moi », non point pour écrire cette fois-ci encore Schopenhauer et Wagner, mais pour prêter un rayonnement de gloire historique à l'un de mes amis, l'excellent docteur Paul Rey. C'était heureusement une bête beaucoup trop maligne pour tomber dans le panneau. D'autres furent moins subtils. J'ai toujours reconnu ceux de mes lecteurs dont il faut désespérer, par exemple le caractéristique professeur allemand, à ceci qu'en s'appuyant sur ce passage, il croyait pouvoir interpréter le livre tout entier comme du réalisme supérieur. À vrai dire, il était en contradiction avec 5 ou 6 propositions de mon ami. Que l'on lise à ce sujet la préface de la généalogie de la morale. Voici le passage dont je veux parler. Qu'est-ce après tout que le principe auquel est arrivé un des penseurs les plus audacieux et les plus froids, l'auteur du livre de l'origine des sentiments moraux, lisez Nietzsche le premier immoraliste, grâce à son analyse incisive et tranchante des actions humaines. L'homme moral n'est pas plus près du monde intelligible que l'homme physique. car il n'y a pas de monde intelligible. Cette proposition, née avec sa dureté et son tranchant sous le coup de marteau de la science historique, lisez Transmutation de toutes les valeurs, pourra peut-être enfin, dans un avenir quelconque, être la hache qui sera mise à la racine du besoin métaphysique de l'homme. Si c'est plutôt pour le bien que pour la malédiction de l'humanité, qui pourra le dire? Mais en tout cas, elle reste une proposition de la plus grande conséquence, féconde et terrible tout à la fois, regardant le monde avec ce double visage qu'ont toutes les grandes sciences.